Ça va être quand même assez tranquille dans le bulletin de sport local et régional. On va quand même parler ce matin des différents tournois. On sait que les différents tournois qui se mettent en branle. Au niveau du tournoi Pee-wee Bantam de Saint-Félicien, en catégorie Pee-wee B, les Loups de Dolbeau-Mistassini ont gagné 4 à 0 sur les Sénateurs de Saint-Félicien. Catégorie Bantam A maintenant, victoire des Tomahawks de Massouillache 6 à 5 sur les Aiglons d'Allemand. Et les Bulldogs de Saint-Félicien et Loups de Dolbeau-Mistassini se sont livrés un verdict nul de 3 à 3. À la ronde novice de Dolbeau-Mistassini, les activités ont commencé hier. Les Patriotes de Saint-Bruno ont écrasé les Sénateurs de Saint-Félicien 9 à 1. Et dans la catégorie novice A, les Castors de Dolbeau-Mistassini ont pulvérisé les Aventuriers 10 à 1. Maintenant, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, les Cataractes de Shawinigan ont gagné 8 à 1 sur les Voltigeurs de Drummondville hier. Samuel Girard de Roberval a amassé deux passes. Et les Saguenay de Chicoutimi vont jouer ce soir contre les Mooseheads à Halifax et ce sera l'entrée en scène de German Roots-Off. Vous pouvez écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, on a parlé évidemment, c'était beaucoup la journée Tim Raines. On sait que Tim Raines a été intronisé au Temple de la Renommée. Donc, dans la section entrevue, vous pouvez écouter l'intégrale de la conférence de presse de Tim Raines. Également, je me suis entretenu aussi avec Roger Brulotte, où on revient évidemment sur le célèbre numéro 30 des Expos, et Marc Griffin de RDS qui vient jeter également son grain de sel sur l'intronisation de Tim Raines au Temple de la Renommée. Le sport local et régional, à danradiosport.com, on s'en occupe.